$100 à quelqu'un, la personne meurt. Puis là, je me dis, bon, on n'est pas à un carmonois après, hein? Mais ce qui arrive, c'est que progressivement, au fur et à mesure que l'on avance, notre évolution se fait de plus en plus avec des subtilités. Notre conscience devient plus subtile. Notre vision est de plus en plus subtile, notre perception est de plus en plus subtile, on discerne des choses de plus en plus subtiles, et à un moment donné, les petits karmas de plus font toute une différence. Et c'est ce qui fait que lorsque j'étais jeune, eh bien, waouh, les karmas qu'on évite, les karmas noirs, ça va être par exemple de tuer quelqu'un. Les karmas noirs qu'on évite, un gros karma. Voler, ben, voler une pinotte, c'est pas pire, mais voler l'arbre au complet, c'est plus problématique. Voler 5$, c'est pas grave. Voler 500, c'est plus grave. Alors, ce qui fait qu'on a une vision astrale, psychologique, qui va ajuster notre vision du karma, et là, encore une fois, on peut facilement se faire ramasser. C'est comme si on dit, vous avez bien agi toute votre vie, alors comment ça se fait qu'à un moment donné, dans votre évolution, à un certain point de votre vie, tout semble commencer à planter. Ben c'est ça, c'est là que les petites subtilités commencent à être d'envergure. La personne qui ne discerne pas le goût du sel, eh bien, à un moment donné, elle sale un peu ce qu'elle fait, puis elle mange pour grave. Puis là, à un moment donné, quelqu'un dit, « Hey, tu mets bien trop de sel. » Pas qu'une cuillère était prête, je ne goûte pas. Puis il va venir un temps où elle a fait tous ses repas, elle les a tous salés, mais elle goûte pas. Puis, à un moment donné, elle commence à goûter. C'est bon, juste bon. Mais elle a toujours mis une cuillère de trop. Et plus son goût va devenir raffiné, plus son goût va être capable de discerner subtilement, plus il va commencer à y avoir trop de sel. Et à un moment donné, elle va tellement discerner qu'elle mettra à peine un grain de sel dans un verre d'eau qu'elle jettera dans une piscine, puis quand elle va boire la piscine, elle va savoir qu'il y a du NaCl dedans. Mais là, elle peut plus manger. Là. Ça, c'est du discernement. C'est subtil. Mais là, elle ne peut plus rien manger ce qu'elle a fait. Tout ce qu'elle a cuisiné, bref, tout ce qu'elle a préparé dans sa vie, ne va plus. Pourquoi? À cause de la cuillère est trop. C'est pourquoi souvent la personne a dit que plus j'évolue, plus tout est laid, plus je souffre. Alors donc, à un moment donné, il faut qu'on applique les choses comme elles doivent être appliquées. Le petit peu de sucre qu'on mange, une carie, ça commence à un moment donné. À une cuillère de moins, on n'aura pas de carie. À une cuillère de plus, on aura la carie. C'est la cuillère en question. On dit toujours que c'est la goutte qui fait déborder le vase. Mais je dis, moi, souvent que la goutte qui fait déborder le vase n'est pas plus coupable que toutes les gouttes qui sont dans le vase. C'est l'ordre. L'ordre dans lequel a été placé qui fait que c'est la dernière. C'est un peu la même chose. Alors, qu'est-ce qui, dans notre vie, va faire à un moment donné que ce sera l'événement ou le karma qui va faire déborder une chose rendue à un point de notre vie? Tant que vous ne goûtez pas le sel, soit un petit karma de plus, un petit karma de moins. C'est vrai. À un moment donné, si vous commencez à discerner, vous commencez à désirer des petites choses qui demandent un peu plus de subtilité énergétique, mais là, il y aura des petits karmas de trop. C'est peut-être ceux-là, justement. Je dois une très grosse somme d'argent. Je peux suggérer que vous me la léguiez. Bon. Comme ça, vous allez être absous de votre karma. Puis toi? À moins de l'avoir émoudi. Alors, je ne le suggère pas. C'est la personne, pour éliminer ce karma-là, elle doit se centrer dans son intelligence, donc elle devra savoir ce qui doit être fait convenablement. Normalement, on devrait donner la somme à un héritier, pas quelqu'un qui est couché sur le testament. Par exemple, je te dois de l'argent, tu décèdes. De l'argent, je le donne à ta femme. Ta femme est morte, je le donne à tes enfants. Je remets son karma entre les mains de qui veut bien le prendre. C'est préférable de remettre l'argent à quelqu'un qui peut être associé karmiquement à l'individu que de rester pris avec. Et je lis les subtilités, je sens les subtilités, les trucs négatifs, problématiques, je les sens venir de très loin. Moi, si j'aurais une dette, je la remettrais en maudit. Dans le dernier exemple, dans la question, par contre, il dit si c'était de l'argent qui m'était dû, peut-être encore karmiquement, ou si l'argent était temporairement détenu par un gardien d'argent, puis que là, ça m'est dû. J'ai besoin d'argent, puis l'intelligence me le ramène, cet argent-là. Est-ce que d'accord. Ça peut être... Alors, dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je vais brasser les fesses à l'intelligence. Puis ça, vous devez le faire de temps en temps. Ah, ben, ça va vous brasser les vôtres en même temps. OK. Mais moi, ce que je ferais, c'est que je commencerais par me débarrasser de ce karma-là. Et tu dis, oui, mais c'est de l'argent qu'on te devait. Ça va revenir. Alors, manger de, vous savez quoi? Les prochaines fois, j'exige que tout soit plus clair. Moi, les affaires où ce que je ne sais jamais, tu sais, l'humain, il ne sait jamais s'il fait bien, s'il fait mal. C'est toujours après. Puis après ça, on vient dire, c'est de sa faute, il n'aura pas dû faire ça. T'sais, qu'on me le dise avant, de temps en temps. Si vous, tout serait clair, clair, clair, clair, clair. Pas où avec un petit peu de clair, un petit peu de pierre. C'est pas où ce que tu le sais, mais il y a tout pour que tu ne le saches pas en même temps. Là. C'est, je le sais, mais je le fuis. Ben, à un moment donné, moi, je m'arrangerais pour que si j'ai à avoir cet argent-là, que l'intelligence va me le donner, ben, qu'elle s'organise pour que je l'aie. Je vais m'en servir en fonction de l'intelligence. C'est comme tu dis, si je suis suffisamment centré sur moi, si j'avais à l'avoir, si vous aviez à avoir cet argent-là, vous allez l'avoir de l'autre façon. Mais je m'en débarrasserai. Moi, je m'en débarrasserai puis je m'achèterai un billet de loterie. Ouais, la loterie, c'est un peu la même chose, le karma collectif que tu ramasses. C'est pas la façon de le chercher. Oui, mais si tu as à l'avoir, là, tu l'as d'une façon légale, ou est-ce que je dirais... Oui, il y a un petit karma noir quand même aussi avec. Oui. Ouais. Mais pour si, mettons, ça dépend du montant. Pour 600$, ça vaut pas la peine de se concentrer. Ça dépend de très grosses sommes, on ne sait pas. Tout est relatif. Tu dis qu'une partie de l'humanité paye pour le reste, pour que le reste puisse évoluer. Pour quelle raison le karma n'est-il pas partagé de façon égale entre les individus? Ainsi, les problèmes majeurs n'existeraient pas et ils seraient de beaucoup diminués. À l'origine, toute l'humanité crevait de faim. Alors, c'était que c'était partagé le karma. À un moment donné, il y en a qui ont crevé plus de faim, il y en a qui ont commencé à manger un peu mieux. Ceux qui ont mangé un peu mieux sont devenus de grands chasseurs, sont devenus des peuples conquérants. Ils ont conquis. Ils ont exploité, ils ont inventé l'esclavage, ils ont commencé avec les animaux, après ça avec les humains. Et finalement, parce qu'une forme d'injustice planétaire est apparue, il y a des êtres humains qui en ont bénéficié d'une façon telle que toute l'humanité en a bénéficié. C'est évident que si on regarde matériellement, il y a encore des peuples qui n'en bénéficient pas, matériellement parlant. Au niveau d'un plan d'évolution cosmique, on va revenir sur le rôle cosmique de l'homme, je crois, en décembre. Au niveau d'une vision cosmique des choses, tout va mieux. Et on approche d'un temps où les choses vont être beaucoup plus équitables. Mais ça ne peut pas être équitable émotivement. Ça ne peut être équitable que si l'humain se sert de son intelligence. Si l'humain veut être équitable par émotivité, par amour, il ne sera jamais équitable. Parce que l'amour de l'humain est un amour conditionnel, alors où il va aimer plus, il va donner plus, il n'y a rien à faire. Par intelligence, par esthétisme, on l'a l'affaire. Mais pour ça, il faut que le peuple qui reçoit soit esthétique et intelligent. Sinon, il va nous voler, on donne nos perles aux pourceaux. Et tant qu'eux ramassent un karma qu'ils ont créé et un karma que nous avons créé, eh bien nous avons un autre karma qui nous tombe sur le nez. Nous avons une forme d'obligation de nous servir du cadre extraordinaire qui nous entoure, pas pour niaiser, mais pour passer notre temps à chercher la distraction, pour avancer. Et si on se sert de notre avantage indéniable pour avancer, il ne paie pas de karma. Il souffre présentement, mais au minimum, au moins, ça sert à quelque chose. C'est comme je coupe du bois, je travaille comme un défoncé, je fais une maison, puis ma femme me met le feu dedans à chaque fois que j'en fais une. Ben là, effectivement, ça ne va pas. Mais si je travaille, je fais une maison, je bâtis une maison, ma femme l'entretient, ben un jour, quand j'aurai fini de travailler, je pourrai rentrer chez moi, puis il y aura encore une cabane, puis ça sera entretenu, j'en bénéficierai, alors que pendant un laps de temps, on dirait que c'est moi qui paye le prix. Donc, si les choses sont toutes extrêmement justes, ça ne va pas. À un moment donné, on a rendu les choses justes. On est allé voir les Inuits. Et puis, on leur a dit, écoutez, manger de la baleine, ça c'est le fuck, tu sais, fuck. Pas bon? Et puis, on a fait des choses équitables. On leur a donné des maisons, de l'électricité, des skidoux, puis de la boisson, tu sais, comme nous autres on avait. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé qu'ils ont monté leur détente dans les maisons. Ils ont allumé des feux dans les maisons. Bien, les maisons passent au feu aussi. Et puis, il y en a qui ne se sont jamais adaptés. Ils ont des chaises, ils s'assoient encore à terre, ils se traînent encore à terre. On leur a donné notre justice, notre équité. Alors qu'eux auraient pu aussi dire, écoutez, vous allez prendre notre justice et notre équité. Vous allez mettre le feu à toutes vos cabanes, vous allez aller à la chasse. Vous allez avoir une espérance de vie de 35 ans, puis on va être bien. Alors, il faut faire bien attention en termes d'équité et de justice quand on le regarde émotivement du point de vue des yeux de l'homme. Parce que ce que vous demandez, le fait de le demander, vous ramassez un karma blanc. Si vous l'imposez, vous ramassez un maudit karma noir. Adolf Hitler, il voulait qu'une race pure et illithique domine la planète pour que tous ceux qui allaient se réincarner soit obligé de se réincarner dans un corps pur et solide. Karma blanc. L'imposant à l'humanité, maudit karma noir, pourquoi? Parce que l'intelligence, ça se développe pas par la force. Ça se développe par la force des choses. Avec le temps. Alors, c'est bien comme c'est. C'est totalement dégueulasse, mais c'est bien. C'est très bien. J'ai essayé une thérapie basée sur l'hyperventilation extrêmement poussée, le cri primal. J'ai vécu des émotions extrêmement puissantes et claires de ma jeunesse, une peur effrayante, etc. C'est quoi l'explication? Quand on parle d'hyperventilation, cela veut dire qu'on rentre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oxygène au niveau de l'hémoglobine, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a trop d'oxygène dans le sang. L'oxygène, c'est un comburant, ce n'est pas un carburant. Souvent, en médecine, on dit que le carburant naturel du corps, c'est l'oxygène. Alors qu'en chimie, on sait très bien que l'oxygène, c'est un comburant. Ça accélère une combustion, ça ne brûle pas de l'oxygène. Notre carburant est l'hydrogène. Ça brûle de l'hydrogène. Alors, ce qui arrive, c'est que par l'hyperventilation, on a beaucoup trop d'oxygène, on a beaucoup de comburant, et le cerveau a de la difficulté à fonctionner. Alors, à un moment donné, il y a des réactions de problématique au niveau des dépolarisations des neurones, et ça va faire en sorte que l'âme, votre ego, votre astral, votre âme, ne peut pas s'exprimer aussi bien en fonction de ces programmations dans votre corps physique. Cela va faire en sorte qu'une grande partie du cerveau qui va finir par être totalement inutilisable par la conscience astrale qui, elle, est la plus appliquée à s'imprimer dans votre corps physique, et ça va permettre à une expression qui est continuelle des mémoires volatiles qui constituent l'âme, donc je pense un peu là-dessus, mais disons d'une expérience qui vous ne connaissez pas trop, qui est toujours en train de jouer sa musique, sa mélodie, mais qui est totalement enterrée par la puissance de ce qu'on appelle la conscience de l'ego, parce qu'on est en hyperventilation, il y a une grande partie du cerveau qui est inopérationnelle convenablement, et là on peut entendre l'autre mélodie, celle de notre passé. Et progressivement, l'ego peut ne plus être capable de s'exprimer dans le corps physique par hyperventilation. Alors, il va commencer progressivement un retour, c'est-à-dire qu'il va fuir le corps physique. Donc, il fait un voyage astral. Un voyage astral en remontant le canal réincarnationnel qui va nécessairement, progressivement, vous faire voir probablement toute votre vie ou des parties dépendamment où vous allez arrêter. Quand vous vous hyperventilez un peu moins, vous allez arrêter. Là, vous allez voir des choses. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va être plus marqué par des parties de notre vision. C'est simplement ce qui se passe au niveau de l'hyperventilation. La phalangénésie mène à la même chose. C'est ça. Est-ce que théoriquement, par l'hyperventilation, on pourrait retourner à la création, au début? Non, avec un télescope, c'est mieux. Donc l'hyperventilation, ce qui va arriver simplement, c'est que tu vas totalement détruire ton corps physique si tu veux faire l'exercice pour en arriver là. C'est préférable de connaître le voyage astral, d'avoir une autorité mentale développée dans le monde astral, d'être capable de faire un voyage séraphique, donc uniquement avec le périsprit de l'enveloppe astrale, pour par la suite, t'éloigner en transport séraphique suffisamment loin pour avoir une vision de la création, qui ne sera pas un voyage astral, qui sera un transport séraphique, mais ça, c'est accessible uniquement à un individu qui a suffisamment un centrage d'intelligence chez lui, qui a géré son agiteur de pensée, puis qui a un contact très, très, très conscient avec son double éthérique, donc avec la partie supramentale de sa conscience. Alors, bref, un jour, on en reparlera, mais pour l'instant... Tu as confirmé dernièrement que les Américains avaient utilisé une technologie intraterrestre pour faire disparaître un bateau en 1943. Est-il vrai que 40 ans plus tard, en 1983, lors du projet Phoenix, ils ont pu renvoyer le bateau en 1943 et que pendant ces 40 ans, ce bateau était dans un monde parallèle, dans un non-temps, ce qui aurait causé tous ces problèmes psychiques et psychologiques aux matelots? Oui, ça c'est totalement authentique, c'est exactement ce qui est arrivé aussi. Quand on parle de ramener le bateau, oui, le bateau est revenu quelques minutes après être disparu. Et les individus qui ont vécu dessus ont passé 40 ans, eux, à attendre de revenir. Vous savez que le temps, c'est très relatif, le temps, il y a des courbures là-dedans. Alors, ce que la personne dit est authentique, plus ce que j'avais rajouté en fonction de certains sous-marins nucléaires, aussi des exercices qu'on a faits dans le triangle du Diable, dans le triangle des Bermudes. Et sachez une chose, il y a régulièrement des expériences comme ça qui sont faites. Il y en a eu une dernièrement qui s'est faite conjointement avec les forces armées canadiennes, américaines et soviétiques. Et puis... il y en a comme ça de temps en temps qui sont faits. L'une des régions les plus intéressantes, on a le triangle du Diable. J'ai déjà expliqué que le point central où il y avait les perturbations, donc la porte qui permettait justement de changer de temps, du triangle du Diable, ça avait lentement migré vers le Capaterra et c'est présentement, ça s'approche lentement des bancs de Terre-Neuve. Et c'est dans ces régions-là qu'ils ont fait des expériences pour vérifier certaines choses. Si on arrête la relation sexuelle afin d'anégoïser la partie qui s'en nourrissait de façon archaïque, et pour se libérer d'un grand nombre d'archétypes reliés à cela, pour cesser de perdre de l'énergie, devient-il à un moment donné écologique d'effectuer une éjaculation pour montrer à la vie que le corps est encore utile? Et ou d'entretenir les glandes qui sont reliées au processus de formation des spermatozoïdes? Bon, l'homme qui n'a pas de relation sexuelle ou qui en a très peu, aura ses propres menstruations. Dans le langage traditionnel, on appelle ça des pollutions nocturnes. J'aimais vous, ça polluait, etc. L'homme aura ses menstruations, qui ne sont pas nécessairement rythmées sur la femme, qui fait qu'il n'y a pas de problématique, ça se fait naturellement. Donc, il y aura un avertissement qui continuera à avertir le chronomètre naturel du corps physique que le corps est toujours producteur, donc il peut se reproduire, ce qui fait que ce n'est pas le temps de l'éliminer. Bon. Alors, il n'y a pas de problématique à se casser la tête. Par contre, une personne qui est un homme, parce que surtout l'homme qui a une constitution endocrinienne pour courir après la femme, on doit faire attention pour ne pas égoïser. Donc, s'égoïser dans l'abstinence sexuelle, en ce sens que, à un moment donné, on développe une partie qui va se nourrir et qui va se plaire de tapocher la partie qui a besoin d'une relation sexuelle. Donc, on devient un automartyr. On doit intelligencer les choses. Ça veut dire que, effectivement, par économie d'énergie, c'est logique de ne pas avoir des relations sexuelles à outrance. À un moment donné, eh bien, le corps physique prend le dessus. On doit trouver ça stupide, trouver ça con, et peut-être avoir une relation sexuelle quand même. Évidemment, si la femme est d'accord. Parce que l'homme ramasse énormément de karma dans ses relations sexuelles, parce que bien souvent, il obligera une femme. Il la manipulera par 150 affaires. Il lui donnera ce qu'elle a besoin à la condition qu'il y ait un échange qui se fasse de ce côté-là. C'est pas la faute de personne. Mais on doit, effectivement, plus on va intelligencer, vous savez, vous faites une connerie, vous avez un karma noir. Vous en avez totalement conscience, vous avez un karma blanc. Les deux peuvent s'annuler. Donc, on peut avoir une relation sexuelle à un moment donné, en trouvant ça totalement stupide d'être pogné comme ça. Vous avez un karma noir, vous avez un karma blanc. Les deux peuvent s'annuler. Comme tout à l'heure, tu me parlais, tu me disais telle chose, je te disais karma noir. Oui, mais si tu fais karma blanc, les deux peuvent s'annuler, et souvent, on a un karma blanc un peu plus sain que le karma noir. Alors, vous mangez mal, vous le savez, vous êtes mal pris, vous n'avez pas le choix, vous êtes hyperactif quand vous ne pouvez pas manger votre banane au caramel, et vous trouvez ça totalement stupide, vous vous en culpabilisez pas, vous vous martyrisez pas en dedans à vouloir vous contrôler, ça c'est du niaisage. Mangez-la, votre banane. C'est préférable de perdre cette énergie-là en restructurant le corps physique que de passer une heure et demie à lutter contre une banane. Mais vous trouvez ce con, comme par exemple ceux qui fument. Non, mais là, il ne faut plus fumer. Mais résistez 2 secondes et demie. Après ça, ben, regardez votre bout de papier là, avec le foin dedans, puis trouvez ce con de fumer. Puis fumez. Et que c'est stupide. Continuez à fumer. Puis là, trouvez-vous correct. Si vous avez l'intelligence d'avoir que c'est pas brillant, c'est que vous êtes fameusement intelligent. Alors on se dit pas maudit que je suis niaiseux. Non, maudit que c'est niaiseux. Il y a une grosse nuance. Et là, vous gardez de l'énergie puis vous évoluez, c'est-à-dire que vous vous réchauffez. L'être humain, il pense qu'être évolué, c'est être parfait. Être évolué, c'est être capable d'avoir de la conscience. Le véhicule physique, lui, on l'a en legs de nos ancêtres. Il n'est pas parfait, nos ancêtres ne l'étaient pas. Alors on n'est pas responsable d'un corps physique qui n'est pas parfait. D'un corps astral, d'une ordre psychologique qui n'est pas parfaite. L'évolution, c'est de la conscience, c'est de voir. C'est pas d'être parfait, c'est de voir. C'est d'être instantanément ce que nous sommes. Et oui, mais c'est pas parce que subitement vous êtes parfait que la planète est parfaite. Donc, c'est pas parce que vous êtes parfait que votre corps est parfait. Le corps n'a rien à voir, c'est un bouton là, puis franchement, l'évolution. Alors, donc, on doit faire simplement cela. Alors, on regarde les choses, puis on trouve ça con, puis on continue à le faire. Puis, à un moment donné, on ne le fera plus. On aura tellement reprogrammé l'ego que c'est con, puis le goût s'en va, puis facilement, on l'élimine. La condition qu'on fasse, ce que je viens de dire, qu'on intelligencie les choses. Puis, ça revient. Donc, il y avait une troisième... Poser les questions plus vite. Il y avait une troisième question là-dessus. Et si cela s'avère utile, l'abstinence, quels sont les signes précurseurs dans les deux cas? Mais tu avais pas mal répondu. J'ai pas mal ou j'ai bien répondu? Tu avais répondu. Que se passe-t-il au niveau occulte pour que les conflits religieux prennent tant d'ampleur actuellement, principalement aux Indes, en Israël et en Irak? Alors, je vous résume. C'est des choses qu'on touche énormément dans le séminaire. Ça permet de comprendre, mais je fais un résumé quand même. La question est là. Et c'est une question qui est problématique à répondre parce que ceux qui n'ont pas toutes les informations, je vais donc faire sauter des points, faut pas interpréter. Astralement, ce qui arrive souvent, c'est que les forces d'évolution font tout pour que l'humain récupère de n'importe quelle façon. Votre femme, votre mari vous dit quelque chose, par exemple, puis là, on peut interpréter, on se fait ramasser immédiatement. Ne colorez pas ce que je vais dire. C'est pas ce que je dis qui est dangereux, c'est ce que vous comprenez. L'être humain a créé, il y a bien longtemps, des dieux à son image et à sa ressemblance. Il les a placés dans le monde de la mort, dans le ciel, ça a créé des égrégores, puis l'homme a remis entre les mains de ces créatures-là, qui étaient finalement ces créatures à lui, ses esclaves, il a remis ses destinées. Il y a effectivement une conscience intelligente, on pourrait parler d'un dieu universel si vous voulez. Alors ce que l'humain prie, c'est les orteils de Dieu, les formes. Alors, on aura donc des dieux de colère et de vengeance qui deviendront des dieux de pardon et d'amour quand l'humain sera d'amour et de pardon. On parle du même dieu. Le dieu évolue au même rythme que l'humain. On a encore des dieux qui exigent, pour venir dans leur ciel, que l'être humain meure violemment sur un champ de bataille en tuant des infidèles. Allah demande ça à la majorité de ses fidèles. On a d'autres dieux qui vont dire « Si on me donne une plaque sur une joue, tant l'autre joue. » Alors, c'est impeccable. On a maintenant des êtres humains que leur religion leur demande d'aller faire la guerre, puis d'autres êtres humains que leur religion leur demande d'être des esclaves. Il arrive ceci. il arrive que les religions, les égrégores et les dieux, c'est les égaux des égrégores. Vous avez un égo, vous avez une âme. L'égrégore, c'est l'âme planétaire. Les religions, les dieux, sont assujettis aux mêmes deux lois, aux deux mêmes lois que l'humain. Nourrissez-vous pour ne pas disparaître et exprimez-vous pour avoir la conscience de votre présence. Les dieux s'expriment dans les prêtres, dans les hommes, dans les femmes, dans les apparitions. Et les dieux ont besoin d'être alimentés. On alimente toujours un égrégore par une habitude. Alors, on aura la même habitude de fumer le même temps, de faire la même chose. On a des habitudes et là, on se sent sécuritaire. On rentre travailler le matin, le café, on commence mal la journée sans ça. T'sais. On a besoin de notre rituel. Le rituel, c'est la clé pour nourrir les religions. Alors, l'être humain donne de sa vie, de son énergie, par un canal affectif qui peut être énergisé par la peur, la crainte, l'amour et ces choses-là, la honte, la culpabilité, le besoin de pardon. Et on va nourrir les égrégores, les dieux. Les dieux, eux, donc, ont besoin de sont assujettis à deux lois, s'exprimer et s'alimenter. Le dieu va immédiatement rencontrer l'humain et par ses prêtres, ses prêtresses, va dire à l'humain, première chose, tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Écoute, va pas nourrir les autres, avec moi. Deuxième chose, tu porteras la bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Va convertir. Plus il y aura d'individus qui vont nourrir le même Dieu, plus lui va prendre en puissance. Donc, les dieux se sont toujours fait une guerre dans le ciel entre eux. Et nécessairement, il y a toujours eu une guerre dans la matière pour convertir autrui. Alors, il y aura la bonne nouvelle. Si vous n'êtes pas dans telle secte ou telle religion, vous irez en enfer, vous serez perdu. La peur. Alors, vous vous convertissez. On vous rebaptise, le baptême est la clé. Votre baptistère, on a Joseph plus le nom, ou Marie plus le nom. Vos énergies nourrissent le Dieu catholique romain. Si vous changez de religion, on vous rebaptisera. Il n'est pas question que vous nourrissiez notre Dieu. C'est important. Vous êtes juif, vous appellerez Isaac, vous appellerez des noms comme ça. Mais pas Pierre. Pierre, ça nourrit un égrégore catholique romain, vous ne nourrissez pas, etc. Alors vous rentrez dans les témoins de Jéhovah, on baptise. Vous devenez pape, on baptise. Vous devenez Krishna, on baptise. C'est évident. À présentement, il arrive quoi? Il arrive qu'il y a des êtres humains qui, de plus en plus, ont accès à l'intelligence sur la planète. L'intelligence brise les formes. Elle est nécessairement anti-religion organisée. Pas en tout dans le sens attaquée. Mais l'intelligence fait qu'il y a des êtres humains qui ne sont plus religiosisables. On ne peut pas les rendre, les placer dans des sectes. Ils se dirigent vers une centricité dans leur intelligence. C'est dangereux pour les religions. Alors les religions vont donc de plus en plus, la science a lieu aux religions aussi, le cartésianisme. Les religions vont de plus en plus donc rechercher les fidèles. Donc plus il y aura de la conscientisation ou de la science, plus il y aura recrudescence des vieilles religions, des sectes. Et nécessairement, à un moment donné, il n'y aura plus assez de fidèles, on va s'organiser pour aller ramasser au maximum, et aller ramasser leur énergie. De ce fait, il y a des guerres dans le ciel, il y a nécessairement des guerres sur la planète. Et c'est un début, selon les historiens. Quelle est la façon, la mécanique, que l'on doit appliquer pour construire un double éthérique fusionnel? Qu'est-ce qui fait que dans le passé, certains ont constitué un double éthérique non fusionnel? Bon, je ne réponds pas à ça ce soir, c'est trop complexe, trop haut aussi, je réponds ça dans les conférences spéciales. Alors, on pourra revenir, à une conférence, la personne l'a probablement fait de séminaire, alors qu'elle me repose la question dans une conférence que ça vaut séminariste, parce que ça peut prendre, quoi, une heure et demie à tout expliquer la chose. Est-ce qu'un couple qui fonctionne énergétiquement sur les cinq plans en arrive à fusionner comme androgyne? Explique-moi l'androgynie. Non. Et le rapport entre les faisceaux. Bon. Un couple qui fonctionne énergétiquement sur les cinq plans, premièrement, l'être humain, de prime abord, doit concevoir une chose, c'est que son union est limitée. Ça veut dire qu'une rencontre dans le contexte planétaire est toujours le début d'une séparation. Et ça, l'être humain qui ne l'a pas dès le départ dans sa conscience, c'est un être humain qui devra un jour s'attendre à souffrir. L'union d'un humain est toujours limitée. Une rencontre est toujours le début d'une séparation. Ça ne sera pas toujours comme ça. C'est comme ça. Énergétiquement, en relation sur le plan physique, ce n'est pas faisable actuellement dans l'état actuel des choses. Donc, la personne ne fonctionne pas, disons, il n'y a pas une sympathie physique dans l'énergie. Vitalement, ça peut se faire. Donc, ils sont totalement énergiopathes. Astralement, ça peut le faire. Ils ont les mêmes visions, les mêmes goûts et ils réincarnent les mêmes entités. C'est la même personne en deux. Ce n'est peut-être pas ça qu'un individu vit. Mentalement, mentalo-télépathe, automatiquement. Et probablement supramentalement, donc, il y aura la création d'un seul double éthérique pour les deux individus. Ce n'est pas ça ici que les personnes vivent. Bon, est-ce qu'un couple qui fonctionne énergétiquement sur les cinq plans en arrive à fusionner comme androgyne? L'androgyna, qu'est-ce que c'est? Ma femme va devenir androgyne lorsqu'elle ne sera plus capable d'être manipulée par des visions sexistes des choses. Je serai androgyne, je le suis, là, parce que je ne suis pas capable de voir le monde en fonction d'une vision sexiste. La femme peut évoluer rapidement, elle peut évoluer lentement, elle peut faire des choses, l'homme peut faire des choses, il peut évoluer rapidement, il peut évoluer lentement, ça ne change rien. Et l'androgyna se perfectionne lorsqu'on ne voit même plus de différence entre le troisième sexe et nous, c'est-à-dire entre l'enfance et l'adulte. Alors, il n'y a plus de barrière. Cet enfant-là, il peut conduire une automobile, quel âge il a? Il y en a faute, il peut conduire. Ben, laisse le conduire, mais qu'il conduise. Même chose pour la femme, elle peut faire ceci, l'homme peut faire cela, non, ça n'a rien à voir, on parle de l'être, être humain. Explique-moi l'androgynie. L'androgynie apparaît au plan supramental, ça veut dire que physiquement, la femme, elle est sexuée, elle est réceptive. Vitalement, elle est donneuse. Astralement, elle est réceptive. Mentalement, elle est donneuse. Supramentalement, elle sera androgyne. L'androgynie va progressivement descendre au niveau du plan mental. La femme sera donneuse et receveuse, l'homme aussi. Ça descend au niveau du plan astral. La femme, maintenant, n'a plus besoin, ne dépend plus de l'affectivité de l'homme. La femme est capable de s'auto-énergiser. Elle, ça descend au plan vital. Elle a toujours été donneuse au plan vital, c'est elle qui porte l'enfant. Elle sera maintenant capable aussi de recevoir de l'énergie vitale. Elle sera capable de reconnaître l'androgyna chez l'homme. Physiquement, elle n'a rien à faire. Elle restera sexuée comme l'homme, restera sexuée encore pendant quelques milliers d'années. Mais on sera androgyne au niveau du plan supramental, donc au niveau d'intelligence, ce qui fait que lorsque moi je parle à une femme qui est branchée sur elle-même, ou à un homme, ou à un enfant, il n'y a aucune différence. La conversation, c'est la même. Au niveau du plan mental, ce sera la même chose. Au niveau du plan astral, à un moment donné, ce sera la même chose. Au niveau du plan vital, ce sera la même chose. Alors, c'est ça. Comment peut-on nettoyer son karma? En développant son double éthérique, en s'énégoïsant, en fusionnant avec lui, en se désassujettissant totalement de la mémoire planétaire. Ça, c'est résumé. Est-ce qu'on peut résumer en disant, en appliquant ce qu'on sait? Pour arriver à là? De toute façon, la seule chose qu'on peut faire en tant qu'être humain dès le départ, c'est d'appliquer ce que l'on sait. C'est ça. C'est moi qui réponds ça. Je te dis, pose des questions, toi, là. Mais... À l'intérieur, commence à savoir autre chose, là. Ça va être changé, là. Quelle est la méthode à suivre pour éviter que notre environnement immédiat soit manipulé, ce qui ferait en sorte de retarder notre cheminement d'évolution? Dire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez expliqué à l'astral, donc aux forces d'évolution, étant donné que je serais totalement retardé si mon entourage serait manipulé, et voilà, ben ils savent quoi faire. Il y a des... Bon, fondamentalement, la première chose, c'est d'être détaché de tout sans se foutre des choses. On ne se fout pas des choses, on en est détaché. L'humain, ça ne comprend pas. Détaché, il s'en fout. Non. Moi, je suis détaché de tous vous autres, je ne me fous pas de vous. Je suis détaché de mes enfants, je ne me fous pas de mes enfants. Je suis détaché de mon corps physique, je ne m'en fous pas. Ce qui fait que je ne suis pas attachable par ces choses-là, mais je continue à m'occuper esthétiquement et intelligemment des choses, des mécaniques. Je ne me fous pas de l'écureuil qui vient chez moi, je le nourris. Puis si un jour, ma chatte le bouffe, c'est idiot et tout. j'en suis détaché. Mais je ne m'en fous pas. Donc, c'est une chose qui est importante. Maintenant, quelle est la méthode à éviter? Bon, si moi je me dis, et la journée que ça a été clair, pas je l'ai dit comme ça, la journée que ça a été clair énergétiquement, qu'il arrive quoi que ce soit à ceux qui sont les plus près de moi ou les plus loin de moi, ça ne va rien changer. Tout ce que ça va donner, c'est que la journée que j'aurai des bâtons pour t'approcher l'astral, ben ces maudits-là, ils l'auront sur le nez. Et là, on va dire, oui, mais c'est émotif ce que tu dis. Je l'ai dit bien pire que ça. Oui, c'est émotif. Je ne le dis pas émotivement, mais c'est de l'émotivité là-dedans. Alors, il faut leur dire dans le langage qu'ils comprennent. Alors, mentalement, un jour, si vous faites ceci, j'irai me venger. Dites ça à quelqu'un, dites ça à un enfant, dites ça à quelqu'un qui vous niaise. Si tu recommences ça, je vais te fesser. Il ne te croit pas. Mon petit maudit, il va te croire. Parlez le langage du manipulateur. Mais là en haut, ils le savent. Ah oui. Il n'y a pas une mécanique astrale qui va se risquer. Et là, une personne va dire, j'ai fait la même chose que toi. Non, vous n'avez peut-être pas fait la même chose que moi. Avez-vous une autorité mentale dans l'astral? Peut-être pas encore. Mais il y a autre chose. Disons que vous l'avez fait. Puis il arrive encore des choses. Oui. Ça n'arrive pas par votre présence. Ça arrive parce que c'est leur plan de vie. On doit toujours comprendre. Ce n'est pas parce que moi, à un moment donné, j'ai placé des choses dans l'astral que ça fait que mes enfants, ma femme ou mes amis, il ne leur arrivera jamais plus rien. Non. Ils ont le droit, eux autres aussi, d'évoluer. Par contre, il ne leur arrivera rien à cause de moi. Et ça, on doit être suffisamment solide pour comprendre les nuances. Parce qu'après ça, il arrive de quoi pour penser nous autres? Mais non, pas nous autres. Alors, c'est déjà un problème ici, c'est que vous admettez que vous pouvez être totalement manipulé, fait que si on veut vous manipuler, on sait comment passer. Progressivement, vous allez finir par vous énergiser suffisamment que vous allez de plus en plus être détaché de votre entourage sans vous en foutre. Une grosse, grosse, grosse nuance. L'être humain spirituel se détache et s'en fout. L'être humain intelligent qui se conscientise se détache, mais ne s'en fout pas. Nous savons maintenant que les intraterrestres manipulent l'homme à polluer la surface de la planète pour la rendre viable pour ses êtres. Cette situation est-elle acceptable pour autant? Sinon, quelle est la chose la plus intelligente à faire pour faire cesser cela? La situation est acceptable. Vous savez, les intraterrestres, les mécaniques qui existent, qui sont ici depuis quelques millions d'années. Ils vivent de maudits problèmes. Ils ont besoin de la génétique humaine pour s'en sortir. S'ils ne parviennent pas à faire des mélanges génétiques, ça l'a souvent manqué. Ça l'a créé des gargouilles, ça l'a créé un paquet de problématiques qu'on a connues dans le passé. S'ils ne peuvent pas comme ça, ils devront nécessairement transformer la surface planétaire pour leur donner l'atmosphère sulfureuse qu'ils ont besoin et la chaleur, d'où l'effet de serre. Ce sont des êtres en évolution. L'être humain intelligent parle souvent de chevalerie supramentale, de guerrier supramental, d'aristocratie planétaire. L'être humain intelligent nécessairement sera capable de trouver une solution qui sera acceptable par tous ceux qui ont des problèmes d'évolution. Alors, à un moment donné, on ne peut pas prétendre, si on ne y arrive pas, tant pis. Mais on ne peut pas prétendre dire, ben écoute, c'est juste l'homme qu'il faut qu'évolue, la femme, c'est autre race. À un moment donné, on en arrive à une conscience qui dit que ça, c'est stupide, la femme, l'homme, c'est la même maudite affaire. Oh ben l'enfant, même chose. Le noir, même chose. Le chinois, même chose. Mais l'intraterrestre, même chose. L'extraterrestre, même chose. On doit devenir des terrestres extra. Et l'intelligence, ça va faire ces choses-là. Présentement, ils ont leur espoir de survie, c'est ce qu'ils font. Pour certains peuples, c'est le contact qu'ils ont avec eux. Ben, pour d'autres peuples, non. C'est acceptable. Stupide. Acceptable. Comment comment se joue la notion de karma pour un thérapeute, un médecin ou un dentiste? Bon, c'est très, très problématique. Pauvres autres. Plus vous chargez cher, moins vous avez de karma. J'en entends sourire. Ouais, il voit déjà plein d'affaires, le tic-tic-tic. Non, je parle déjà de l'impôt. Ah. Moi, je parlais des patients aussi. Bon. Mais si vous chargez plus cher que ce que ça vaut énergétiquement, vous vous ramassez du karma noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un thérapeute. On prend un exemple, les médecines douces. Un bon médecin de famille, c'est un exemple aussi bon. Alors, je vais voir le médecin, ou le thérapeute, avec 3-4 aiguilles, et puis là, je le tête. Ah, oh, là, j'ai des problèmes, puis là, je lui parle, puis finalement, 3 aiguilles, je n'ai pas besoin, parce que je veux que moi, c'est un gars à qui parler, ou une fille à qui parler. Ben, écoute, moi, c'est 20$ de l'heure pour mes aiguilles, tu sais, puis c'est 10$ la demi-heure pour jaser, la personne ne voudra plus parler avec vous autres. Parfait. Mais qu'elle aille parler avec un autre. Sinon, on va vous têter. Il y a une chose que vous devez comprendre. L'être humain doit être raciste. Vous devez apprendre à être raciste. Le racisme de l'initié, il se définit comme suit. Il y a ceux qui savent, il y a ceux qui sont susceptibles de savoir, puis il y a ceux qui représentent le reste. Le racisme de l'initié s'arrête là, entre ceux qui représentent le reste et ceux qui sont susceptibles de savoir. Il s'arrête là, et puis il est sans retour. C'est-à-dire que ça finit là. Par contre, l'initiable ou l'initiable, ceux qui sont susceptibles de savoir, et l'initié, c'est ceux qui savent, sont spontanés, instantanés, ils sont vivants. Alors, à un moment donné, vous rencontrez un patient, puis là, il dit, oh, viens là, viens là, là, vous lui dites, écoute, je t'ai déjà dit qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses. Tu ne le fais pas, mais on ne parle plus. Là, vous êtes raciste. Mais en même temps, vous ramassez du karma blanc et vous l'aidez probablement mieux que si vous continuez à tolérer qu'ils viennent vous têter. C'est l'énergie qui a besoin, pas de vos conseils. Mais vous le communiquez comme ça, votre énergie. 2 mois après, il revient et dit, écoute, là, j'aimerais parler. Vous êtes raciste, mais vous êtes intelligent et spontané. Alors, vous ne savez pas là, s'il fait partie de ceux qui représente le reste, ou de ceux qui sont susceptibles de savoir. C'est changé entre-temps. Alors, vous lui expliquez encore. Qu'est-ce que tu as fait hier? Ben, hier, j'ai encore pris une brosse. Écoute, tu viendras me voir quand tu prendras plus de brosse. Tu n'as pas compris. Faut que tu cesses de boire pour me comprendre. Pas de temps. Là, il revient. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas bu. Parfait, c'est toi. Là, maintenant, il vient de rentrer dans l'autre clan. Peut-être. On ne peut pas décider qu'un être humain est fait à vie. Mais ce qu'on doit faire, c'est cesser, nous, de gaspiller notre énergie parce qu'on paye en carbone, on se vole nous-mêmes, en tolérant de donner nos perles aux pourceaux. Donc, de donner notre énergie à quelqu'un qui a un trou. Et tout ce qu'il veut, lui, c'est que vous passiez votre énergie chez lui. Il ne fera jamais rien pour s'en sortir. Alors, le thérapeute, c'est un peu la même chose. Maladie de travail, problème dorsal. Ça fait 20 ans qu'elle rencontre tous les jours. Quand il est presque correct, là, il deux, trois traitements, là, puis il est guéri. Il manque toujours ces 2-3 traitements-là. Il ne veut pas être guéri. Mais à un moment donné, c'est un brasse camarade qui a besoin, sinon, on va changer de patient. Sinon, vous allez perdre du karma. Vous allez dire, ouais, mais là, moi, je ne fais plus d'argent. La moitié de mes patients, c'est du monde qui viennent. Ben oui. Vous dites clic, clic. Soyez-vous. Bon, de quoi on parle? Si c'est clair, c'est clair. Mais il faut que ce soit clair. C'est très important. Il faut que les choses soient transparentes et claires. Vous allez ramasser beaucoup plus de karma blanc, un peu de karma noir, évidemment. Parce que quand vous faites les clics, par exemple, on prend un médecin général, on ne s'attend pas à ce que vous jouiez le psychologue. Le gouvernement, ils ne veulent pas que vous fassiez chnick-chnick pour jouer le psychologue. Mais il y a des médecins, par contre, qui ramassent des thérapeutes aussi du karma comme ça. Comme il y en a un, à un moment donné, c'était simple, c'est qu'on... Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, une patiente, elle a écouté simplement le... Elle a fait écouter le cœur, elle a écouté le cœur de son bébé qu'elle portait. Et puis, c'est une échographie, puis en même temps, bon, elle a pu ausculter. Et c'est très bien. Le père a voulu écouter. Ah ben, on fait écouter le père. Puis quand ils sont partis, ben, la secrétaire l'a demandé la carte d'assurance maladie du père. Puis il avait écouté lui aussi. Fait que je n'ai écouté qu'une autre fois, n'est-ce pas? ce médecin-là s'en va en enfer. Tu sais, il faut s'entendre par enfer, là, mais il ne faut pas trop s'en faire, mais quand même. Ce médecin-là ramasse un karma collectif, il va avoir des problèmes, ça c'est évident. À un moment donné, il va avoir de gros problèmes. Pourquoi? Parce qu'il vole la société. Alors, on ramasse un peu de karma noir, puis en même temps, pour ramasser du karma blanc, on s'arrange pour, en tant que thérapeute, là, pour être extrêmement clair. Ceux qui guérissent gratuitement, gros problème, vous vous assujettissez. Vous savez qu'on dit souvent, oui, mais quand tu as reçu un don, c'est pour le partager. Parfait. Parfait. Vous avez un don en comptabilité, mais faites ma comptabilité, je ne vous paye pas. Il faut vous le partager. Vous avez un don en médecine, on ne vous paye plus. Vous avez un don en agriculture, mais cultivez, puis ne demandez pas qu'on vous paye, c'est un don. Ce qui est le problème, c'est qu'il y a un paquet de dons. Vous avez un don pour la science, on vous payera. Un don en médecine, on vous payera. Un don fait des souliers, on vous payera. Un don pour guérir, par magnétisme, ah ben non, on ne paye plus. Un don pour trouver les objets, les personnes perdues, on ne paye pas. Coup de bœuf, c'est un don. Mais le chien est un don, lui, il est né. Il trouve le monde, on le nourrit, puis s'il serait un humain, on le payerait. Alors, sauf qu'on ne joue plus avec ça. Par exemple, vous avez un don, vous pouvez prévoir les billets, les numéros gagnants de la loterie. Ah, ça n'est pas de vous en servir. Non, mais le comptable qui a un don pour les mathématiques fait bien de l'argent avec ça, lui. On doit se servir de ce qu'on a, de ce qu'on est, à 100% pour ce qu'on veut faire. On ne peut pas voler, on ne doit pas voler, donc trop demander, mais on doit demander ce qui doit être demandé. Une mère monoparentale qui éduque deux enfants paye du karma noir pour un blanc. Si elle est transparente, sinon, explique. Si cette même personne laisse ses enfants, a-t-elle son karma blanc? A-t-elle un karma blanc pour un noir? Bon, il y a un problème, évidemment, parce que c'est un peu comme un conseil comme demande. C'est rusé, c'est bien. Ça prouve que la personne a suffisamment d'intelligence pour se répondre elle-même. Tu vois, là, c'était pas conscient, mais n'empêche, je donne des exemples, là, c'est ce que je réponds pas. Quel sera le karma de Mère Teresa dans sa prochaine vie? Ça regarde Mère Teresa, hein? C'est d'autres de même, on va pas passer à pile. 2 × 10, 10 exposants à 0. On ne doit pas se mêler des karmas d'autrui. Ni s'assujettir. Comme quelqu'un me demande souvent, Monsieur Kem, vous, est-ce que vous avez votre contact avec, etc. Ben, ça ne vous regarde pas. Puis là, il y a des gens qui sont frustrés. Comme quelqu'un qui me demande, votre signe, c'est quoi? Mon signe. C'est... Signe des scouts. Là, ils sont insultés. Là, quelle est votre alimentation pour être si dynamique? Oui, je veux dire, là. Hein? McDonald's. De l'énergie. Il y en a partout. Comment me détacher d'une personne trop accaparante sans lui faire de mal? Impossible. C'est vrai. Et ça, il faut qu'on finisse par admettre ces petites choses-là. Sinon, vous allez souffrir toute la souffrance que l'autre, vous voulez lui ôter. Puis un jour, elle va quand même passer par là, elle va souffrir. Non. À 18 ans et une heure, je décida de ce pas de quitter ma mère, mon père et de fuir dans un autre... Bon, je partis. Ce fut toute une problématique géniale. Ma mère voulait savoir qu'est-ce qu'elle m'avait fait. Et je lui répondais, tu m'as rien fait. Et elle me dit, pourquoi pars-tu? Parce que je pars. Je fuis, je m'en vais, quoi. Je déménage. Ah oui, mais dis-moi qu'est-ce que je t'ai fait? Rien. Ça n'a pas de sens. Si je t'ai rien fait, tu restes. Là, j'ai failli dire, non, c'est avant que tu m'en fasses. Mais j'ai pas dit, tu sais. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Parce que l'être humain aime d'une façon astrale, ma mère, elle m'aimait parce que ma présence l'animait. Si je m'en vais, elle souffre. Donc, elle s'arrangeait pour m'acheter. Et elle m'a acheté ailleurs. Elle m'a acheté dehors, comme ça. ça ne va pas. Et j'avais beau tout faire pour qu'elle comprenne que tout allait merveilleusement bien, puis que je m'en allais simplement vivre en logement, parce que je m'en allais vivre en logement, que tout était parfait, puis qu'on se verrait, puis que tout est parfait. Et non, elle a souffert ce qu'elle avait à souffrir, et c'était sa propre souffrance, son propre karma, ses propres assujettissements, puis c'est tout. C'est son plan de vie. Puis même si tu avais essayé de faire des plans pendant 3 semaines pour savoir comment lui expliquer, le résultat serait le même. Sauf que tu avais souffert pendant 3 semaines. Rien à faire. Alors, c'est sûr que je m'en vais pas dire à ma mère, écoute, t'es une grosse vache, puis là, je m'en vais. On était nus. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on ne vous ne devez pas... T'aurais pu sortir plus vite que par la porte, si tu avais dit ça. Là, je sortais par la fenêtre. Elle aurait souffert, mais de l'autre façon. Non, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on doit être esthétique, on doit être aristocrate au maximum. On ne parle pas au niveau du vêtement, ça commence là-dedans. Soyez là envers vous. Vous allez voir que c'est l'intelligence de la vie qui va commencer à être assujettie à vous, et non pas l'absurdité de la vie. Mais à un moment donné, je dois faire ceci. Je le fais. Oui, mais là, il y a des gens qui vont souffrir. L'être humain souffre toujours, tout le temps, finalement, pour vous, pour un autre, hein? Ça finit là. Mes enfants, à un moment donné, je leur ai dit, écoutez, là, moi, je déménage à telle date, hein? Là, vous avez 19 ans, vous avez 18 ans, pas grand temps, et vous déménagez pas avec moi. Vous avez 6 mois ou 8 mois, là, je sais plus trop, pour vous préparer. Déniaisez-vous. Ah ben, c'est parfait. Ben, je vous dis pas que c'était le bonheur pour tout le monde, ni pour mon ego. C'était logique, c'était intelligent, c'était comme ça. Et puis c'est parfait. Puis maintenant, tout est toujours correct. On peut pas se séparer d'une personne. La personne qui ne veut pas va peut-être un peu souffrir. Écoutez, chacun a son plan de vie. Commencez par vous maintenir, vous. Plus il y aura d'humains en santé, debout, mieux ça va aller ailleurs. Plus on reste plié à cause qu'il y a... Mais ça va pas du tout. Tu sais, je sais pas, pour sortir du trou montant sur tes épaules, tu vas rester en bas. Ce qu'on fait, on reste les deux en bas. Vraiment brillant. Mais moi, je vais monter, puis après ça, j'irai voir, je peux trouver une branche ou une corde. Puis si t'en trouves pas, il y en aura un des deux qui sera sorti. Oui, bien, c'est moi qui vais monter. T'es plus pesant que moi. Je serai pas capable de te tenir. Mais c'est logique, donc, que le plus petit monte. Que le plus petit monte. Puis après ça, on se dit, ouais, mais s'il revient pas, vous êtes fait fourrer, et tout. Mais si vous le faites pas monter, vous êtes de toute façon fait avoir. Mais là, à deux. C'est pas mieux. Mon vieil oncle vit dans la solitude. Quand je vais lui tenir compagnie, il insiste, je sais pas c'est où ça. Ne tenez jamais la compagnie de quelqu'un. Il doit la tenir lui-même. Et vous pouvez être là. Mais c'est quand même vrai. Le terme est parfait. On va toujours tenir la compagnie de l'autre. Il est tellement plat. Tu sais, il s'ennuie tout seul. Il est plat. Alors, je m'en vais... tenir sa platitude. Ça paraît moins. Puis quand je m'en vais, ben, elle retombe à terre. Puis là, ben, c'est plat. Avec son moral. Oui, c'est comme souvent, il y a des personnes. Moi, je suis un gars tellement plaisant. Je sais que je suis plaisant. Je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un. Je m'ennuie jamais tout seul. Donc, je dois être suffisamment plaisant. Tu sais, quand quelqu'un me dit, ouais, mais tout seul, moi, je m'ennuie, il faudrait que j'aille voir un autre qui tout seul, il s'ennuie. Deux plats ensemble, il s'ennuie. Mais, on doit s'arranger à un moment donné pour que l'oncle finisse par être capable d'assumer sa solitude. Puis ça se fait, ça se développe. Quand je vais lui tenir la compagnie, il insiste pour me donner de l'argent. Je ne peux lui remettre l'argent qu'il m'a donné, il refuserait. Comment éviter le karma de cette situation? Je te connais la réponse. Premièrement, donc, votre oncle achète votre présence. Comprenez une chose, ce n'est pas immoral. Le bonhomme, il est probablement très brillant, inconsciemment ou ce que vous voudrez. Il a l'impression que vous lui rapportez tellement que ça mérite un échange d'énergie. Mais félicitations pour l'oncle. Maintenant, quand vous y allez, si ça vous rapporte d'y aller, vous ne pouvez pas être payé. Si quand vous y allez, ça ne vous rapporte pas suffisamment au niveau de l'énergie, au niveau d'échange psychologique, physique, moral, etc., serait logique que vous acceptiez l'argent. Parce que refusant son argent, s'il n'y a pas d'échange d'énergie, vous vous volez vous-même, puis lui, vous lui plantez un sabre en plein milieu de son karma. Vous lui nuisez. Vous l'empêchez de ne pas avoir de karma. C'est comme si je t'aide, là tu dis j'ai une dette envers toi. Oui, puis je m'en vais. Ben là, mon oncle, là, il aimerait bien ça, lui, ne pas avoir de dette. Alors, c'est à vous encore de regarder, lui remettre l'argent, bien non. Vous savez, j'ai déjà fait une erreur à un moment donné. Il y a une personne qui venait travailler pour moi, puis elle voulait absolument faire ça bénévolement. J'ai accepté. Mais à un moment donné, je me dis, écoute, il n'y a pas d'échange d'énergie. Tout le monde est payé, puis l'autre travaille autant, puis elle ne la paye pas. Ben, je vais la payer. Elle est devenue malheureuse. Elle s'est révoltée contre moi. J'ai été un chien, j'ai été etc. Elle n'avait pas assez de salaire, c'était possible. Et pourtant, avant, c'était bénévole. Et oui, elle avait besoin probablement d'éliminer un karma. En l'achetant, je lui élimine totalement sa possibilité. Alors, il faut qu'elle aille trouver un emploi bénévole ailleurs maintenant. Il y a des petites choses comme ça qu'on comprend mal. Il y a une personne, à un moment donné, qui était malheureuse. Elle vient travailler encore, puis elle fait du bénévolat. Là, on lui dit, écoute, tu veux faire le séminaire, on te le donne à crédit. Tu sais, mettons tant d'heures, ben, tu auras tant. La personne voulait faire ce bénévolat. Alors, elle a peinturé, elle a fait des choses. Et à un moment donné, elle a eu son crédit. Malheur total. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle se cherchait une famille. Alors, elle avait décoré la maison. Puis, subitement, il achète son travail. Donc, c'est un employé. Elle n'a jamais été dans la famille. Et dehors. C'est ce qui s'est passé au niveau vibratoire. C'est important d'étudier et de comprendre les mécaniques karmiques. Est-ce qu'en faisant ça, je suis assujetti à elle? Ça dépend ce qu'elle vient chercher chez moi. Il y avait un échange d'énergie. Il y a des petites choses comme ça, on doit réellement analyser. Vous allez voir, vous allez éliminer un maudit paquet de problèmes entre vous-même, entre humains. Puis dans votre vie, au fur et à mesure, vous allez finir par avoir une vie esthétique. Pourquoi? Parce que vous êtes esthétique. On ne parle pas d'une bonne vie. Elle sera nécessairement bonne. Dans le cas où on ne sauve pas la personne du feu voisin, y a-t-il karma, oui ou non, et pourquoi? En tout cas, si c'est moi, il va y avoir un maudit karma. Je le dis tout de suite. C'est toi qui es dans le feu? C'est ça. Ouais. J'avais intérêt à venir me sauver. Bon. Je sais pas si le feu peut prendre après ça. Je parle de ta maison. Oh, j'avais compris ça et tout le reste. Juste au cas où il y en a qui doutent. Dans le cas où on ne sauve pas le voisin, c'est toujours une chose que vous devez comprendre. Il y a toujours du karma noir assujetti à tout ce que l'humain fait dans sa vie. La seule façon d'aller chercher du karma blanc, c'est avec votre conscience. Tout à l'heure, on l'a vu aussi. Tu fais ceci, karma noir, mais tu comprends, tu penses différemment, tu sais que karma blanc. Ça peut étouffer le karma noir. Vous ne pouvez pas entrer. Vous constatez que vous ne pouvez pas entrer dans la maison. Et tout ce que vous trouvez à dire, c'est que la vie est idiote en maudit. Quelque chose comme ça, là. Vous ramassez probablement plus de karma blanc que de karma noir. Mais vous avez du karma noir. Pour ne pas avoir de karma noir, théoriquement, vous auriez dû rentrer quand même et mourir dans le feu de l'eau. Là, on fait de vous un martyr, tu sais, là, les religions et les dieux sont contents, c'est correct. Puis en même temps, ben, il y a un karma noir assujetti à ça. Pourquoi? Parce que vous venez de brûler un autre corps physique, qui est ridicule. Donc, si vous décidez, par exemple, bon, écoute, c'est peut-être son karma à lui, là, je ne sais pas si j'y vais ou si je ne vais pas, fait que, tu sais, je vais pile ou face, Nick, putain, je n'y vais pas. Vous ramassez probablement pas mal de karma noir. C'est toujours une question d'intelligence et de conscience. C'est pour ça que je ne peux pas vous donner un conseil. Si le feu prend à côté de vous, là, vous allez faire ce que Daniel Kemp a dit, puis après ça, vous allez penser que c'est de ma faute. Vous devez simplement faire esthétiquement. Regardez ceci. Dans la cité de Seth, un petit roman que j'ai écrit, il y a un jeune à un moment donné qui explique quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est exactement ce que vous devez faire. Il lui dit simplement, moi je suis écologique. Tu sais, c'est la même affaire au niveau du karma, j'ai fait attention pour éliminer les karmas noirs. Alors, c'est simple, quand je marche dans la forêt, eh bien, je n'écrase pas les fourmis. Fait qu'il y a un autre jeune qui dit, ouais, des grosses pas formules. Oh. Ben oui. Moi, je considère, et je suis convaincu, je sais, que ça demande beaucoup moins d'énergie à la nature pour tasser ma jambe, pour la mettre à côté de la fourmi, que pour rebâtir une fourmi. C'est un karma blanc. Alors l'autre jeune, il lui dit, ouais, mais tu sais, c'est pas bien même brillant. La nuit, tu fais quoi de stresser en maudit quand tu marches dans le bois la nuit? Alors l'autre jeune, il répond, non, la nuit, je vois pas. Donc, ce que j'écrase, ça me regarde pas. C'est vrai. On est écologique en fonction de sa conscience et des possibilités qu'on a. Donc, on ne se culpabilise pas pour ce qu'on peut pas faire. Et merde, vous auriez dû me faire inifuge. Je serais rentré chercher. Bon, vous m'avez fait pour que ça brûle, et que ça brûle mal en maudit. Mais j'y vais pas. En plus, j'ai un ego qui a extrêmement peur du feu. S'il serait pas là, j'y serais allé. Ben, c'est comme ça. C'est ça qui fait qu'on ramasse le karma blanc. C'est quand on est capable d'être consciemment, intelligemment présent, vous avez du karma blanc. Si vous êtes astralement présent, émotivement présent, c'est à peu près juste du karma noir. Soyez là. Que faire pour... Une question qui pourrait être un sujet de conférence. Que faire pour être libre? Quoi faire avec une vie de Bernard de Montréal? Avec une vie de Bernard de Montréal qui se tient dans ma tête et qui me détruit. Quoi faire pour te croire? Bon, allez voir. Pour me croire, faites rien. Parce que si vous finissez par me croire, vous allez être assujetti à ce que je dis, puis on ne doit pas être assujetti à ce que je dis, ni à rien. Vous devez finir par vous croire. Mais vous croire, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire être capable de faire confiance à votre capacité de discernement. Ce que je dis fait du sens, c'est vous qui faites du sens, pas moi. Souvent, les personnes me disent, ah, c'était une bonne conférence. Moi, je leur réponds, c'est parce qu'ils avaient des bonnes oreilles. C'est vrai. Sinon, ma conférence, ça ne vaut rien. Bon. Alors, me croire, non. Bon, quoi faire pour être libre? Vous devez, dans votre corps, hélas, parce que vous avez déjà été attaché. Je ne dis pas ça pour tout le monde. Comprenez-moi bien, je réponds uniquement à la personne ici. Pour être libre, elle n'aura pas d'autre choix que de continuer à écouter, à suivre, on peut dire suivre dans son cas. Le premier personnage qu'elle a nommé, ou moi. Et je ne dis pas ça pour tout le monde. Pourquoi? Parce que la personne, elle a eu accès à de l'information qui énergétiquement est venu créer des choses chez elle, elle n'est pas encore capable de supporter tout ce qui a été créé. Et c'est préférable pour l'instant qu'elle reste rattachée à l'une des deux énergies. Je n'ai rien créé chez elle. L'énergie qui descend d'un bord ou de l'autre est extrêmement la même chose. Ce n'est pas tout à fait de la même source, c'est la même chose. Ça mène à la même place, par des vecteurs différents. Mais la personne, elle doit donc, en attendant, bon, quoi faire avec une vie, etc., qui se tient dans ma tête, elle ne peut pas encore supporter tout ce que l'autre dit. C'est préférable qu'elle reste donc encore dans l'entourage de l'un ou de l'autre, temporairement, ça serait écologique pour elle. Et encore une fois, je ne dis pas ça pour tout le monde. C'est comme une personne qui, par exemple, un jour va voir un médecin, le médecin lui donne des médicaments, ça peut guérir. La personne n'a pas ce qu'il faut pour comprendre quand prendre des médicaments, quoi ne pas prendre avec. Ben, c'est préférable qu'à chaque fois qu'elle se réfère au médecin. Elle n'est pas l'esclave du médecin, ou elle est l'esclave temporairement, moi, on n'a rien à faire. Elle n'est pas le disciple, c'est intelligent, c'est écologique. Puis, à un moment donné, quand elle aura suffisamment d'énergie pour être capable de prendre sa maladie en main, je ne dis pas que dans le cas ici, c'est une maladie, je fais un parallèle avec le médecin, ben là, problème. Vous êtes diabétique, suivez le conseil de votre médecin. Vous comprenez tout sur le régime et comment contrôler, vous n'avez plus besoin du médecin. C'est réglé. Vous pouvez encore le fréquenter. Ça peut être un ami. Mais dans son cas, c'est ça. Une personne qui se mentalise est moins sujet aux lois karmiques, oui ou non? C'est ça, oui et non. Je ne l'ai pas aimé celle-là tantôt. 70 fois ou 77 fois au lieu de 7 fois, le coup de fouette, là. La troisième fois, c'est 777. 777, c'est encore plus. 7777. Ben, je ne l'ai pas aimé. C'est plaisant, ça fait plaisir aux kabbalistes. Oui. Mon ego n'a pas aimé ça. Parce qu'on a mémorisé un paquet de choses, mémorisé un paquet de trucs, mémorisé un paquet de façons de s'en sortir. Ah oui, t'es mal pris, toi. Appliquer la transparence, etc., etc. Avec je... tout ce qu'il sait qu'il n'applique pas, là, il t'a un gris de carbone qui s'en vient. Est-ce que quelqu'un peut aller détruire mon livre? Tout ce qu'on dit, puis ce qu'on fait, puis ce qu'on fait pas, c'est-à-dire, ça, c'est karmique énormément plus que si on ne le savait pas. Premièrement, c'est extrêmement important d'être une grande boîte, une grande gueule. C'est extrêmement important de dire des choses qu'on ne fait pas. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vont à un moment donné vous reprocher, « Tu le fais même pas demain. » Quand un médecin qui est obèse vous dit, « Écoute, il faudrait que tu maigrisses. » Ben, il a raison. Quand un médecin cardiaque, parce qu'il a trop mangé de gras, puis il vous dit, « Écoute, il faudrait que tu manges moins de gras. » Là, vous lui posez la question, « Toi, t'as mangé du gras? » Le médecin dit, « Ah oh, oui, moi j'aime bien ça, mais... » Ben, il a raison, vous ne devriez pas en manger. Quand on doit appliquer, la première chose qui va arriver, c'est qu'on va communiquer, bon, on va parler énormément, puis on ne peut pas le faire. La parole ajuste la pensée. C'est votre seule façon de vous en sortir, de devenir votre seul maître, c'est d'avoir une grande gueule à un moment donné, de parler. De discuter avec autrui ou de dire, « Bon, on dit que c'est niaiseux ce qu'il fait. » Quelqu'un te dit, « Tu fais pareil, toi. » C'est vrai, c'est pareil. C'est niaiseux quand même ce qu'il fait. Eh oui, c'est vrai que c'est niaiseux. Pourquoi tu le fais? Pas parce que je suis niaiseux, parce que je suis manipulé. Mais c'est niaiseux ce qu'il fait, ça n'a pas de sens. Vous polluez avec votre automobile, ben c'est niaiseux, maudit. Mais j'ai pas le choix. Mais j'ai pas le choix, mais c'est doublement niaiseux qu'on n'ait pas le choix. Moi aussi j'ai une automobile, moi aussi je pollue avec. Ben oui, j'ai pas le choix. C'est niaiseux, maudit. Progressivement, ce qui va arriver, c'est que plus on va être capable de parler, plus on va arriver à appliquer. C'est évident que karmiquement, plus moins tu appliques, plus tu as de karma noir. Sauf si vous avez votre conscience intelligente, présente, quand vous constatez quelque chose, plus vous êtes présent, plus vous allez blanchir, plus vous allez béatifier votre vie. Plus vous êtes mémoriel, plus c'est karmiquement noir, collectif, etc. La semaine prochaine, les lois de l'initiation solaire. Ben, les lois qui assujettissent ou qui vont faire en sorte de peut-être justement libérer du karma, mais c'est les lois qui touchent ceux qui sont conscientisables. D'ici là, bonne fin de semaine. Amusez-vous, puis observez. Hein?